propose à ceux qui consomment de devenir dealers, entre guillemets. Qui consomment des drogues auditives, ouais. En parrainant de nouveaux abonnés et en y trouvant un certain gain. J'ai de la peufra pour les frères, pour les hommes, pour les dames. Si t'as 5 minutes à perdre, à peine appel, j'ai de la bonne, de la carne, de la substance pour te faire décoller. Tu connais, tu restes collé, je peux t'épauler pour tes cours de poney, monnaie pas. C'est pas le son pété, des beaux dégâts, appel, fin, beau départ. Fais pas si tu connais pas. Va les pattes, si tu veux ma drogue, grave, là, va la voler dans les bacs. Viens goûter ma cam, j'ai des 4 meuses et des coupes bidou qui découpent, c'est de la crème épilatoire. Tu vas le bon mal, le prix de 4 buzz. Si t'es droit, le 100 à 5 et je te descends le kill à 3. Quitte pas, j'ai du son sur le feu. Je te donne le remède pour tes potes de pète. Flippe pas, c'est mieux que de la beuh. Des tonnes de lettres qui donnent de l'aide. Allez, viens te poser, propose à tes potes. J'ai de la France, des musicales, des bédos dosés de clés de sol. Des raillés, des rimes, de la zétie de parole. Des flots cocaïne qui peuvent te faire décoller du sol. Ouais, ça monte dans la tête, tu le sens. Le rap est bon quand il part en quête du sens. On l'appelle puissance. Soit t'es défoncé ma gueule et c'est parti pour le battre, là, t'es en pleine puissance. Prends la bonne potion, prends ta dose de son. Ouais, prends la bonne potion, prends ta dose de son. Ouais, prends la bonne potion, prends ta dose de son. Prends la bonne potion, prends ta dose de son. T'es en overdose. T'es en overdose. Bouge avant, bouge le son, lâche ta porte ta dose. Viens te faire péter le crâne comme une grosse baston. Tu sais si t'écoutes des mots, tu seras jamais en pénurie. Je ravitaille tes oreilles avec un gros fast flow. Une plaque tournante, j'ai découpé du son pour te rouler un gros missile. Ma gueule, j'ai préparé ta dose pour te sortir de cette salle tourmente. Si t'allumes tes enceintes, tu seras livré à domicile. Pousse-toi dans le canapé pour que ma cam te pète le crâne. Ça vaut la défonce, ma gueule, tout ça sans faire de bad. Vu ta tête de pâle, j'crois qu'en verre de pâle, j'maîtrise le pas des mots que j'conditionne en quelques grammes. Promets-moi de ne jamais t'enlacer des soirées à bader, à faire péter le son des appels en masque et des tas de verres entassés. Déjà les dents lassées, l'humeur de ta soirée dépend de quelques lignes que j'balance d'un air enragé. Défonce, desserre-moi un doigt de sky. Vu ta tête va prendre l'air sur le boulevard. J'te ramène du soleil une fois que la joie se taille. Je défonce en un verre comme la ayahuasca. Fais péter les watts, y'a pas de balle ni de vertige. Mais si tu tapes une overdose, t'auras la tête dans la bassine. Ce soir c'est la taf, alors ramène toute ta bande. Fais leur gober tous mes écrits, les faits d'un buvard sous la langue. Pousse le son, lâche ta porte ta dose. J'en te faire péter le crâne comme une grosse basse dose. Pousse à fond, lâche ta porte ta dose. J'en te faire péter le crâne comme une grosse basse dose. Pousse le son, lâche ta porte ta dose. J'en te faire péter le crâne comme une grosse basse dose. Pousse le son, lâche ta porte ta dose. Mais là c'est le bas, tu tapes une overdose. On fait pas n'importe quoi avec nos ondes cérébrales. Et ça peut faire mal, et moi je pense que ça peut être dangereux. Donc il ne faut pas le faire. Voilà, le message, surtout, écoutez bien, pas de drogue auditive.